je crois. Et comment j'estime ? Le vide du pouvoir, c'est la chose la plus détestable qui soit. Un pays sans défense. De présider ce gouvernement. Les responsabilités. Dû avec détermination. Les dépenses non prévues. Industriels de base de notre économie, sidérurgie, textile, construction navale.